je carbure à l'évian. Je ne supporte pas la javel, mais qu'est-ce que j'ai peur du temps, de ce que mon horoscope me révèle. J'ai bientôt 40 ans, ma vie n'est plus qu'un foutu bordel. Je change de mec tous les ans, mais j'ai pas de séquelles. Antidépresseurs et médicaments, vitamines, mon emploi du temps de femme libérée. Est-ce que ça va? Ouais, pourquoi ça a pas l'air d'aller? Non, je sais pas, je disais ça comme ça, t'as l'air fatigué. La parisienne est en voie d'extinction. Se regarder le nombril ne fait pas des enfants. La parisienne doit surtout faire attention. D'avoir pas l'air malheureuse, ça serait plutôt gênant. Et j'ai des plans soirées à l'appel. Je regrette mes 20 ans à l'époque où j'étais si belle. Je mange dans des restaurants qui font la cuisine nouvelle. Y'a pas de graisse dedans, mais le service est nickel. À 10h, maman m'appellera et on fumera de la marijuana pour se calmer. Moi je me drive tout seul et puis tant pis pour ma gueule. Il n'avait qu'à pas me quitter. Se regarder le nombril ne fait pas des enfants. La parisienne doit surtout faire attention. D'avoir pas l'air malheureuse, ça serait plutôt gênant. À 6h du matin Noël, avant d'aller au boulot, n'as-tu pas de pitié pour elle? Businessmans et capitaux jouent bien avec le sexe faible. La parisienne joue les machos dans un monde anti-maternel. Regarde-la se cacher pour pleurer avant d'arborer un sourire parfait de femme libérée. Une vie de mensonge pour une vie polluée sans amour. Qu'on veut faire disparaître, noyé sous l'argent. La parisienne doit surtout faire attention. Pas contaminer les Françaises, ça serait plutôt gênant. Parisienne, parisienne, parisienne, oh pauvre parisienne, parisienne, parisienne, parisienne, oh pauvre parisienne, parisienne, parisienne, parisienne, parisienne.